3, 2, 1. Knicks on fire tonight. MSG is the place to be. Oh no. On Monday, and it was on Tuesday, and it was ooh, on Wednesday. Gave her what she wanted through to Sunday. Eh, comme vous voulez. 3-1. C'était le bilan de la semaine dernière. Ouais, ouais, j'ai encore eu un bon prono. Pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des New York Knicks. Bienvenue sur Have a Knicks Week, le rendez-vous hebdomadaire sur KNF TV, tous les lundis, 18h30 sur YouTube. Vous connaissez le rendez-vous et vous connaissez vos intervenants. Ouais, ouais, Joanie, pour vous servir, Seb, pour m'accompagner. Ça va, Seb? Bah écoute, ça va. Juste une chose, dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à poser vos questions, car on a l'oracle parmi nous qui pourra vous prédire l'avenir, la réussite à des examens, voilà, donc n'hésitez pas. En ce moment, Joanie est assez chaud, donc faut pas, voilà, posez vos questions, il aura une réponse. Voilà, je vais mettre mon PayPal et puis je vais me transformer en voyant, marabout, en que sais-je, je sais pas. En tout cas, j'espère que sur cette semaine, on va voir juste. On a vu juste la semaine dernière. On a vu quoi la semaine dernière? Bon, on perd pas plus de temps. Il y a encore beaucoup de choses à se raconter. On balance le jingle et on regarde ce qui s'est passé la semaine dernière avec mon ami Aubéré. Allez, c'est parti. Ah là là, ah là là, on a vu l'ami Aubéré, c'est bien français le petit Béré, et au rayon France, il y a Knicks Nation France, l'association, bah oui, parce qu'on est une association, on fait les rigolos sur YouTube, on met 2-3 choses sur les réseaux sociaux, mais derrière, il y a des événements, il y a des actions concrètes qui se réalisent, et pas plus tard que dimanche dernier, le premier rassemblement physique sur un parquet, oui oui, sur un parquet, enfin sur des parquets, à la Hoops Factory, le complexe à Paris, Porte de Villette, où on avait une bonne partie, enfin une bonne partie, une petite partie des membres de l'association qui ont répondu présent pour un peu enfiler quelques paniers, tout ça avec le sourire, dans la joie, la bonne humeur, un peu de sueur, quelques photos plutôt sympathiques. Ça, c'était le premier événement où on a joué au basket. Une semaine avant, il y avait l'événement, la viewing party. Donc ça y est, les événements reprennent. On est dépendant bien sûr du calendrier NBA, on ne peut pas programmer des événements en pleine nuit, ça c'est un peu plus complexe. Mais en tout cas, voilà, c'était l'événement du week-end dernier. Toujours un plaisir de pouvoir voir nos membres qui s'amusent comme des petits fous dans nos événements. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les prochains événements. Il va y avoir un petit peu de break là parce que les viewings, ça ne va pas tomber sur des heures disponibles pour les Knicks. Mais on vous donne rendez-vous très prochainement. Donc suivez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Oui, oui, ça existe encore. Meta, pour ceux qui préfèrent appeler ça comme ça. X. Pour les nouveaux, et Twitter pour les anciens. Voilà, le site web aussi, cette chaîne, bien sûr, où on parle des événements de l'association, et les événements de l'association, il y en avait un. Vous avez nos membres qui ont bien kiffé leur dimanche après-midi. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre à l'avenir pour les prochains événements. On y passe toujours des bons moments. On y passe des bons moments. Est-ce qu'on y passe des bons moments en NBA en ce moment? Il y avait le In-Season Tournament, oui, oui, ce petit tournoi-là qui a été rajouté par Adam Silver pour essayer de pimenter, de redonner un peu d'intérêt à certains matchs de saison régulière. Bon, j'avoue, personnellement, je ne vois pas forcément la différence entre les matchs régulières classiques et les matchs qui comptent en plus pour le In-Season Tournament. Et pour l'oseille. En tout cas, ah, l'oseille, tout de suite. Non, ouais, mais voilà, en tout cas. C'est l'argument numéro 1 de chaque joueur, c'est « Ah ouais, ça… » Ça, c'est sympa, les 500 000, ah oui, les 500 000. Les 500 000 à Vegas, ça permet de dépenser l'argent dans les clubs de la façon dont on souhaite. Il y a surtout la motivation pécuniaire derrière, pas tant le prestige. Mais en tout cas, voilà, soulever une coupe. Ouais, soulever une coupe pour ramener la coupe à la maison. En tout cas, les Knicks ont gagné un premier match, on va revenir dessus, ne sont pas encore éliminés, là où les pauvres Wizards qu'on a affrontés cette semaine, eux, ont été éliminés par les Knicks, donc on n'aura pas la chance de les voir à Vegas, ces Wizards. Bon, ça, c'était le tournoi officiel. Il y a eu un petit peu aussi, est-ce que c'est de l'argent ou pas de l'argent, on ne sait pas. Mais il y a eu quelques rumeurs cette semaine et un certain Zach LaVine. Oui, oui, oui. Alors, c'est pas Zach Randolph. Non, non, non. C'est un autre Zach LaVine, un autre Zach. Qui, a priori, pourrait être sur le départ du côté des Chicago Bulls. Alors bon, c'est un nom qui a déjà été entendu et qui est apparu dans les radars des Knicks depuis un bon moment. Il y a eu aussi quelques petits, semble-t-il, conflits d'intérêts entre Clutchport, c'est ça, hein, l'agence de Ça. managériat de l'ami de LeBron, Ouais, c'est et clutch. CEA du côté de Léon Rose. Bon, on ne sait Et pas, c'est encore une c'est d'ailleurs parce rumeur. qu'il est chez Clutch que ça se dit que ça ne. Pour l'instant, Ouais. il y a de la friture sur la ligne avec CIA. Donc, c'est Ouais. ce qui se dit, hein. Après, il y a eu d'autres infos comme quoi, de la part de journalistes très au fait de l'actualité Knicks, qui disent que. Les Knicks sont pas du tout intéressés parce que s'ils si doivent bouger, ça serait vraiment pour un calibre All-Star, donc pour un calibre MVP. MVP, ouais. Donc en fait, oui, ça peut parler de rumeurs, mais enfin pour l'instant en tout cas, ils sont pas intéressés à faire venir. Alors moi je l'ai dit à la française, j'ai aberré Zach LaVine. Je pense que Zach LaVine, tout le monde dit La Zach LaVine. vigne. LaVine, Avril Voilà. LaVine. Ah, Ouais. rappelons-nous Avril LaVine. Enfin, Son cousin. Bon, une mais rumeur de non, plus, une rumeur de. Une je pense rumeur que pour occuper le terrain médiatique, on va déjà, dire, ça côté n'aurait aucun Chicago. intérêt à ce qu'ils viennent. Ça n'aurait autre... Parce que là, tu rajouterais, en fait, parce que je pense pas que ça serait Randle qui serait mis dans la balance. Donc, en fait, tu rajouterais encore un mec qui garde le ballon entre JB, Julius et lui. Tu pètes aussi une dynamique de groupe pour un type, finalement, qui est pas non plus extraordinaire. Donc, sans ce move, pour moi, aurait aucun sens. Et je pense que les Knicks partiront pas là-dessus. Donc, voilà. Ouais, c'est ton regard, c'est ta vue. Je suis pas fan de ce joueur, de Zach LaVine. Il y a pas un G dans son nom, mais bon. Zach LaVine. Je suis pas Ah, forcément fan. dans le Après, sud, on dit Zach LaVine. dans le Oh. sud, dans le nord, on a un peu moins de vignes. Mais voilà, reconcentrons-nous. Mais voilà, ce joueur, il y a aussi ce gros contrat qui le suit, à plus de 40 millions la saison. Est-ce qu'il les vaut réellement? Après, il est en capacité de jouer un petit peu off-ball. Il a su s'adapter à l'arrivée de DeMar DeRozan. Il y a un Vucevic aussi dans son équipe qui peut avoir quelques ballons en attaque, même si c'est pas non plus l'option numéro 1 côté Chicago. En tout cas, c'est un joueur qui va être courtisé. Est-ce que c'est vraiment la cible des Knicks? Il y a cette histoire d'agence, clutch, CA. Ceci dit, quand on parle de trade, les agents, moi je veux bien, mais je vois pas trop ce qu'ils ont à raconter, sachant qu'il est encore sous contrat, donc on parle pas de prolongation de contrat derrière. Mais voilà, effectivement, ça pourrait être un scoreur important à rajouter à l'effectif des Knicks. Est-ce que c'est de ça dont ils ont besoin aujourd'hui? On parlait notamment de rotation plutôt au poste 4. C'est pas du tout un poste sur lequel on le voit évoluer. On parlait éventuellement d'un joueur au poste 3. Voilà, il peut évoluer à ce poste-là, mais voilà, c'est du calibre très offensif. C'est un joueur qui a été capable de scorer 50 points, donc c'est pas non plus un Oui, peintre en NBA. voilà, mais c'est pas le profil qui nous faut, Le quoi. fit nous semble pas forcément l'idéal. Tom Thibodeau l'a eu sous son aile quelques temps quand il était à Minnesota. Ça n'a pas duré très longtemps non plus. Donc voilà, donc une piste de plus, de moins, mais semble-t-il que ce soit pas forcément le gros move qu'on attend. Est-ce qu'il faudra viser un MVP? Bon, ça, on pourrait attendre aussi un petit moment. Donc on verra, on verra. Bon, en tout cas, c'est apparu la semaine dernière. Et un autre qui est apparu la semaine dernière, et on en avait déjà parlé en le désignant le Knicks of the Week sur l'épisode précédent, c'est Mitch Robinson. Bah oui, Mitch Robinson, il fait un bon début de saison, et il fait tellement un bon début de saison qu'il a inscrit un peu plus son nom dans l'histoire de la franchise, et en venant tout simplement l'inscrire dans les livres de records. Alors, il nous a pas fait un record au scoring, non, non, il nous a pas fait un record au rebond, mais il progresse dans ses rankings, et notamment dans le ranking au rebond offensif, un élément important du bon début de saison des Knicks. On peut parler d'un bon début de saison des Knicks. Ça vient notamment de la capacité de Mitch à prendre des rebonds. Et il s'inscrit ni plus ni moins que troisième aujourd'hui all-time des Knicks. Derrière qui? Non pas Patrick Ewing, enfin si, en numéro 2, mais le numéro 1, Ok, c'est Charles Oakley. ouais. C'est Charles Charles Oakley. Bon, par Oakley. contre, les deux sont loin après. Hein. Après, les deux sont loin. Bon, ceci dit, il y a eu aussi plusieurs saisons NBA Oui. aux Knicks pour ces deux-là. Mitch Robinson, il en est qu'à sa sixième saison, mais voilà, il fait déjà sa place, son trou. Il passe devant les Bill Cartwright, les Marcus Camby, les Tyson Chandler et autres. Voilà, Le rebond offensif, c'est sa marque de fabrique et bah, il nous le rend bien. Donc continue comme Non, mais ça, Mitch. Continue ça comme va être ça. quelqu'un qui en tout cas aura marqué son ben, avec son nom dans le livre d'histoire des Knicks. Et c'est quelqu'un qu'on oublie, enfin, qui sera difficilement zappable entre guillemets dans l'histoire des pivots qui sont passés par chez nous, quoi. Donc Bien sûr, il y voilà. a Patrick Ewing, il y a Willis Reed, qui sont les pivots les plus emblématiques de la franchise. Il y en a d'autres, hein, Bill Cartwright aussi, qu'on a tendance à un peu oublier, Marcus Tyson Camby. Chandler, qui a été Marcus Camby. Mais voilà, Mitchell Robinson, Mitchell, oui, Mitch, il commence à faire sa place et à voir si sa carrière dure réellement longtemps aux Knicks. Mais en tout cas, déjà en 6 saisons, bah, il a Bah, inscrit déjà, son si nom c'est eux, en c'est quand tant que même pas mal, hein. troisième. Donc c'est un petit accomplissement pour un joueur qui a été, il faut le rappeler, sélectionné au second tour de la draft. Donc c'est aussi Au un joueur qui est second passé sous les tour, radars. pas de NCAA, directement du collège à Onyx. C'est quand même un type, faut pas oublier qu'il y avait quand même une belle hype. Une belle hype au collège, hein. Ouais, Il McDonald's. Il était, alors je sais pas s'il était recrue 5 étoiles, mais j'avais écrit il y a 3 ans environ, je crois, un article sur lui, mais ça remonte maintenant. Mais ouais, non, c'est quelqu'un qui, cette année en tout cas, explose. Et c'est vrai que cette faculté au rebond, au offensif, dans son placement, est exceptionnelle. Est exceptionnelle. J'espère qu'il va Il a fait garder ce rythme toute la saison. une bonne fin de saison la saison dernière et là il continue sur la même lancée. Donc non, clairement une des satisfactions de la saison pour le moment dans son registre bien sûr. Mais voilà, c'était en tout cas un accomplissement pour Mitch. La route est longue pour aller dénicher la place, déloger Ouais. la place du Pat. Hein. On parle de 2500 rebonds offensifs. Mais voilà, Voilà. continue comme ça et on verra après de quoi l'avenir sera fait. Un joueur pour lequel, enfin un ancien joueur pour lequel il ne va plus être question d'avenir ni de présent, bah c'est Mark Jackson. Il était question un temps après son limogeage d'ESPN de venir prêter main forte au commentateur déjà emblématique de MSG Network. Et bien finalement non, on a appris cette semaine, enfin la semaine dernière, que Mark Jackson il viendrait pas commenter au micro. Alors l'histoire elle est un petit peu trouble, Elle est bah, c'est bizarre, toujours un petit peu bizarre aussi avec Mark Jackson. Son pote Jeff Van Gundy, lui, est parti ni plus ni moins que venir consulter, apporter ses facultés d'analyste basket aux Celtics. Mais Mark Jackson, bah, finalement, non, il y a eu une embrouille, il y a eu une histoire, il y a eu un problème visiblement au moment de monter dans les avions qui emmenaient les joueurs. Bon, on ne sait pas trop tout ce qui se cache derrière ça. C'est pas du drama non plus, comme on a pu en avoir dans l'époque passée à New York. Mais bon, c'est dommage, parce que effectivement, c'est une figure aussi de l'histoire. Le dernier rookie de l'année, il faut le rappeler, côté Knicks. Donc voilà, on aurait pu avoir ses talents de consultant. Bah, ça sera pas pour ce coup-ci. Inquiétant ou pas inquiétant cette histoire, non? Non, mais Tant elle a pis. été bizarre parce que, ouais, cette histoire d'enregistrement, son adjoint qui a enregistré toutes les conversations, et puis là, donc, ben, c'est lui qui a passé le message en disant, ben, moi, j'en veux pas dans l'avion, donc forcément, le club a dit, ben, nous, on n'en veut pas dans l'avion. Mais ça aurait pu être une solution enfin, un truc qui aurait pu être réglé tout de suite, en fait. Oui, c'est un Quand petit ils ont su conflit que. et Ben, de là à le virer ou pas l'engager, on ne sait pas trop si Ben, le contrat était. quand ils ont su que Mark Jackson devenait un consultant de la part de MSG Network, l'assistant était déjà en place. Donc, enfin, tu Ouais. vois, Je sais pas, curieux. ils savent que les mecs, puisque vu qu'ils lui ont interdit l'accès à l'avion, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se fait lorsqu'ils sont en déplacement, c'est-à-dire que les journalistes montent avec eux dans l'avion, vu qu'ils font partie de, entre guillemets, de la même boîte, quoi, vu que c'est le MSG, De la famille c'est ils sont, Knicks. Ouais. C'est des employés de Dolan, donc enfin, tu vois, c'est la même chose. Et donc ils sont au courant de ça. Pourquoi est-ce que l'assistant tout de suite il se manifeste pas en disant bah écoutez, moi j'ai ce problème à aller avec lui, je pense qu'il vaut mieux pas qu'il soit consultant, enfin tu vois. Et ben là ça arrive là maintenant, enfin, bon, du moment que Bizarre, ça vient pas bizarre. chambouler un peu l'ambiance dans la team, écoute, après ma foi, pauvre Mark Jackson, mais c'est comme ça, hein. Pauvre Matt Jackson, mais c'est comme ça. Un autre qui nous a fait de la peine un petit peu cette semaine, c'est RJ Barrett. Bah oui, il a fait un bon début de saison. On l'avait aussi désigné joueur de la semaine il y a plusieurs épisodes. Et puis cette semaine, bah, on ne l'a pas retrouvé. Alors, il s'était plaint un peu de oui, j'ai eu un été un peu compliqué, chargé, je vais peut-être être fatigué, j'ai un peu mal au genou. Bon, ça, c'est du basketteur. Mais par contre, non, cette semaine, bah, il était un peu mis sur la touche pour des histoires de migraines. Alors, ça l'a mis en dehors de l'équipe, de la rotation pendant 3 matchs. Bon, 2 matchs et demi, on va dire. Il est revenu doucement sur la fin de la semaine. Mais voilà, des histoires de migraines qui vont écarter RG de l'équipe. Bon, espérons que ça ne soit pas régulier, répétitif, parce que RG fait un bon début de saison. Pourrait viser, pourquoi pas, des objectifs de All-Star si l'équipe performe, si lui est toujours à ce bon niveau, s'il se retrouve à être le meilleur marqueur, le meilleur individu, joueur individuel de l'équipe. Donc voilà, petit coup d'arrêt, petit coup de migraine, on l'a revu sur la fin de la semaine, et on va parler des matchs, on va basculer sur les matchs justement, mais voilà, la santé de RG, ça va être un facteur important, comme la santé de tous les Knicks, et aujourd'hui, sur le Big Three, RG, Julius et JB. Voilà, on compte sur eux pour pouvoir être présents match après match parce qu'on n'a pas non plus énormément de marge de Ben, manœuvre. c'est vrai que Et on a senti une petite différence quand il était là, quand il n'était pas là en termes Ah oui, d'animation mais c'est vrai que offensive quand même. cette pathologie là qui arrive comme ça. Jusqu'à présent, il n'avait jamais souffert de migraine, quoi. Et les gens qui souffrent de migraines chroniques, tu sais que c'est un enfer pour eux, hein. C'est un enfer. Donc, j'espère qu'il voilà, Qu'il n'y a j'espère rien de grave. que c'était un mauvais passage, qu'il a pris son Doliprane, que ça va mieux. Parce que Un petit voilà, j'espère. suppo et c'est reparti quoi. Pour les maux de tête, pour les maux C'est de tête, ah. voilà, le petit conseil du jour, un petit Voilà. suppo et ça passe mieux. Voilà. Docteur, n'hésitez pas à consulter le docteur Joigny, docteur sur le tas, docteur autodidacte. Voilà. Bon allez, on va arrêter les bêtises, on va ranger ces histoires de suppos, ces histoires de migraines, on va regarder ce qui s'est passé sur cette semaine. Donc il y avait 4 matchs, c'était une grosse semaine. Ouais. Tout ça en déplacement. Les Knicks étaient sur une série de 3 victoires. Et ben, on l'avait prédit. Elle allait s'arrêter à Boston, dans le Massachusetts, au TD Garden. Le Les Knicks ont bien joué Massachusetts. sur ce match-là. Ils ont plutôt bien joué. Ils ont tenu le choc assez longtemps. Il y a eu Ouais. match pendant 3 quarts-temps, même jusqu'au début du quatrième. Ils Ouais. étaient diminués parce qu'il n'y avait pas RJ Barrett. On était plutôt avec du Josh Hart à sa place dans le 5 de départ. Je t'avoue que ce match, je l'ai plus complètement en tête. Je sais pas si tu as les stats sous les yeux, si tu as Ouais, j'ai tout des sous les éléments yeux. précis à nous dire. Si En t'as tout cas, on a besoin. eu en face un sacré Jason Tatum, un joueur élite, comme malheureusement on n'en a pas encore au Knicks. Est-ce que ça, c'est un joueur de type calibre MVP pour Ah, lequel c'est les pas Knicks rare. seraient prêts à faire un gros trade? Ouais, mais Pourquoi est-ce que pas? lui serait prêt à partir aussi? Je pense pas. Non, non, je pense pas. Je pense qu'il est Knicks. Ouh, le lapsus. Celtics for life, Le sauf cœur qui parle. cataclysme. Le cœur qui parle. Bah, effectivement, c'est difficile de ne pas apprécier un Ah, joueur comme ça qui Tatum, a en c'est. plus, dans le style du jeu aussi, une certaine élégance. Mais voilà. Non, il nous a fait mal, ils nous ont fait mal. Porzingis, un peu plus discret, même si par rapport à son premier match, hein, le match qu'il avait Propre fait quand au même, Madison c'est lui Square qui Garden. rend, c'est Ouais, très il propre fait quand même. un bon début de saison aussi aux Celtics. Hein. On n'oublie pas que D'ailleurs, c'est un joueur qui a débuté à New York, mais. meilleur plus minus du match, hein, pour Porzingis, donc C'est très dire, propre. si c'est propre. Voilà, il a un rôle de lieutenant derrière le duo Ouais, il Tatum-Brown. a bien Et compris son rôle, ouais. ça lui va plutôt bien, quoi. C'est plus un joueur option numéro 1 depuis un petit moment. Et je pense qu'il se retrouve complètement dans ce collectif, qui est un beau Je pense qu'il l'était collectif. pas en fait. Enfin, il a été au Knicks par Eh défaut, même oui. s'il y avait Melo. Mais enfin, même s'il y avait lui, Ou non. même quand Melo est Mais parti, ouais, ce rôle de franchise player était peut-être trop grand pour lui. voilà. Je pense que c'était un lieutenant plus. Mais et ben là, parfait quoi, en fait. Hein. Genre. Et il est toujours compliqué à défendre de par sa Voilà. longueur. Et lui peut, non, sans pas être un défenseur élite, mais avoir ce côté rim protecteur qui aide forcément. Donc voilà, dans ce match, qu'est-ce qu'on peut retenir, si ce n'est que bah, c'est une défaite, certes. Une défaite sur le score 98 à 114. Le score fait mal, pique un peu en fin de match. Mais il y a eu match tout du long. Hein. Les Knicks ont été accrocheurs tout Ouais, du long. tu t'exploses quand même en deuxième mi-temps, quoi. Deuxième mi-temps, tu vois la première mi-temps, tu fais 24-25 en faveur de Boston et 29-27 en notre faveur. Mais la deuxième mi-temps, 23-32, 22-30, pas photo. Pas photo, On tu était fais. sur un back-to-back, hein. C'était Ouais. le lendemain de la victoire face aux Hornets. Bon, est-ce qu'il y a ce facteur fatigue Oh qui a ben. pu jouer? Ça a Peut-être un joué, je peu, pense. Hein. peut-être un peu. Je pense que En fin de match ça a surtout, quoi. joué. Ouais. Après, voilà, tu pêches parce que, bah, t'es, comme tu dis, t'es en back-to-back, tu pêches parce qu'il te manque RJ quand même. Donc, un mec qui arrive à casser les lignes, un dynamiteur qui était dans une énorme forme avant ses migraines. Donc, c'est vrai que bah, tu te passes de ça. Voilà, tu donnes plus de minutes Hart, à Josh Josh Hart. Hart, dans le 5, c'est pas aussi impactant, aussi productif que la présence de RJ Barrett. Surtout que Josh Hart, bah, on le trouve un petit peu moyen en ce début de saison. T'as un Brunson, même si de notre côté, voilà, il finit meilleur marqueur, mais en ce début de saison, je le trouve assez maladroit, très maladroit. Dans ses pénétrations, ça rentre difficilement. Alors aussi, il a C'est pas des rarement shoots les coups faciles, de c'est pas des shoots il a faciles. ra... Hein, c'est pas il a les coups de fa... attendu. c'est pas les shoots faciles, mais il a rarement les coups de sifflet. Les shoots qu'il mettait dans l'année dernière, là, ça rentre plus. En tout cas, ça rentre moins. Donc là, tu vois, il finit avec un 10-21 au tir. Donc bon, compliqué, quoi. Non, ce match, après, il n'y a pas plus à analyser que de dire. Et Quickly a été pas bon. Moi aussi, Quickly a vraiment pas été bon. Mais de dire bah, qu'après Boston, la hiérarchie a été respectée. Ils ont été meilleurs. Hein. Ils ont été meilleurs à tout point de vue, dans tous les compartiments. Voilà, C'était un match tu. test d'une certaine façon parce que après une série de 3 victoires, on pouvait voir un peu face à un adversaire plus costaud où en étaient les Knicks. Bon, malheureusement, l'absence de RJ, elle fausse un peu la donne sur cette perception. Il y a eu un match accroché, c'est souvent accroché, mais à un moment donné, lorsqu'il a fallu passer la seconde, La les deuxième Celtics ont mi-temps, su le faire et ils ont aussi un t'exploses. collectif qui est bien rodé, qui est bien huilé, qui a du vécu collectif. Ouais. Même s'ils ont remplacé Smart par Jrue Holiday, Ouais, voilà, mais bon. Ouais. c'est quand même un sacré effectif, quoi. Leur starting five, c'est Porzingis, Tatum, Jalen Brown, White, Holiday. Sympa. Voilà, quoi. Voilà. Ça, c'est pas Voilà, mal. voilà. Ils avaient perdu un peu de profondeur de banc. Nous, on a une profondeur de banc avec du Hartenstein, avec du Quickley, du DiVincenzo qui sont plutôt bons. Mais voilà, Par contre, on t'as est vu, sur un hein, ils cran font. d'écart. Hein. Joe Mazzulla, il a fait une rotation à 8. Tiens À donc, souligner. À il n'y souligner, aurait pas que souligner. Tom Thibodeau à avoir des rotations courtes. On ne parle pas trop de À rotations courtes en ce moment, souligner, Thibodeau, voilà. mais. Sort du banc, Hauser, Horford, Pritchard. Voilà. Voilà, souligner. Voilà. Bon, il n'est pas honteux de perdre à Boston, surtout en ce début de saison. C'est dommage, ça aurait été bon à prendre, mais ça aurait permis d'enchaîner, de continuer sur la série de victoires. Mais non, c'était pas pour cette fois-ci. Le prochain match, bah c'est au mois de février, ça se passera au Madison Square Garden, la KNF sera présente. Bon, on espère cette fois-ci commencer à redresser le bilan victoire-défaite face aux Celtics. Ça sera pas évident, mais en tout cas, on Évident. s'attend à un super match. On s'attend déjà à un super match au mois de février pour le East Coast Trip. Je sais pas si vous êtes déjà inscrit. Si vous ne l'êtes pas, ça risque d'être un peu trop tard. Mais voilà, nous, on y sera. Bon, ça, c'était pour le premier match. Derrière, il y avait encore un déplacement, parce qu'on l'a dit, c'est une semaine entièrement en déplacement. Le deuxième match face aux Atlanta Hawks. Et là, c'était une autre histoire. Ah. On était toujours privé de RJ Barrett, ça l'aura été pour quasiment toute la semaine, mais là les Knicks, ils ont montré un meilleur visage, tout de suite beaucoup plus dominant dans le début du match, ils ont pris les rênes assez tôt au score, et puis finalement les Hawks ont couru au score, couru après les Knicks tout du long, il y a eu quelques beaux passages par moment des uns des autres, on a eu un Julius Randle qui était plutôt à son avantage, à son aise, hein. Il s'est plutôt bien joué de son adversaire direct, Johnson, j'ai plus le nom, c'est Jalen Johnson. Voilà, on a senti quand même qu'il y avait une bonne dynamique sur ce match-là, une bonne connexion entre un Brunson, un Dante DiVincenzo, comme on le voit à l'image. Non, les Knicks, ils ont maîtrisé leur sujet sur ce match-là, j'ai l'impression, quoi. On On parle s'est de fait un peu rivalité peur. des fois, on veut nous parler de rivalité avec les Hawks. Sur ce match, moi, j'ai rien vu de rivalité, quoi. Non, mais il n'y a pas vraiment enfin, de rivalité parce que c'était ce qui ressort des playoffs. Et après, Trae Young qui a essayé de rajouter un peu d'huile sur le feu. Mais finalement, en fait, sur les confrontations, si on passe cet aspect playoff, on a toujours eu l'avantage sur eux. Et Depuis, ouais. Trae Young a toujours eu des stats dégueulasses contre nous. En tout cas, il était super bien cadenassé à chaque fois. Là, ça a encore été le cas. Hein. Il a eu plusieurs reprises du Grimes, du Hart, du DiVincenzo, du Quickly sur lui. Pas évident. Et donc, le mec finit à 15 points. À 15 points. Alors, 17 passes, hein, c'est beau. Mais par contre, à 0 sur 4 à 3 et à 4 sur 12 au tir. Donc, il a été bien muselé. En face, voilà, en face on a eu un Julius qui a été très bon, hein, proche du triple-double. On a eu un Jalen Brunson aussi présent cette fois-ci, toujours un peu maladroit avec son tir à 8 sur 19, mais un peu mieux à 3 points, 6 sur 10, ça a été pas mal. Et puis un beau Mitchell à Robinson, hein. 15 rebonds, 15 rebonds, Si 6 offensifs. seulement, si seulement on avait eu Mitchell Robinson sur cette série de playoffs, ça aurait changé la donne parce Ça aurait changé qu'effectivement, beaucoup de choses. c'était qui? C'était Nernens Noel à l'époque. Ouais. Bah voilà, hein. Bah, pas Voilà, mauvais, hein. Nerlens Noel, Mitch. il nous fait une belle saison. De remplacement de Mitchell Robinson. Franchement, il nous fait une belle saison. Une belle saison. Moi, je l'avais adoré, hein, Mitchell Robinson. Hein. Mais c'est vrai que. Ouais. Nerlens Noel, Mais pardon. Mitch avait manqué, et là on le voit face à un Capella qui a un pivot quand même plus que honorable dans la ligue. Bah Mitch Robinson, il est présent, il arrive à faire, comme tu le dis, sa moisson au rebond. Donc voilà, ça change la donne, et au niveau de la dissuasion aussi, et le Trae Young qui vient un peu moins s'infiltrer dans la raquette. Donc voilà, les Knicks, maintenant, ils ont pris On avait l'avantage retrouvé un bon Jean psychologique sur ces Chart. Hawks. On avait retrouvé un bon Jean Chart aussi. Franchement, là, il nous avait fait un très bon match. Donc là, ouais, ce match, on le gagne de 2 points, mais parce qu'il faut quand même un petit push sur la fin du match. Mais Ouais. Et voilà, puis mais on joue un petit peu franchement. sur le feu, avec le feu sur la fin, mais au Ouais. final, quand même, un sentiment d'un match maîtrisé. On Bon se fait match, ouais. peur sur la fin, mais voilà. Une bonne victoire pour commencer, enfin pour commencer, pour se relancer dans une série de victoires. Et puis, bah, le match de vendredi sur les parquets un petit peu curieux du In-Season Oh Tournament. là là Là, là c'était là là, face aux c'est horrible. Wizards. C'est horrible. Bon. Alors le parquet, ouais, faut aimer. C'est peut-être pas le pire encore, tu vois, dans les couleurs qui peuvent être proposées. Ouais. Non, Mais c'est on pas le pire, attendra c'est de pas le pire. voir Là, le orange au Madison Square ah, Garden, celui des voir un peu Knicks, le il magique. va faire mal aux yeux. Va falloir Ça va être régler le spécial. téléviseur. Ça va être spécial. Bon, en tout cas, on sait que c'est un match de In-Season Tournament. Ça saute à l'écran. Par contre, deux matchs, bah là, c'est pareil. Les Knicks ont dominé leur sujet. Et ça avait un peu une saveur de blowout, tout ça, quand même, non? Bah, 99 à 120, ça a plus que la Ça avait un peu. saveur. Ah, ok. Ça a même l'odeur, quoi. Ouais, non, non, bah, les Wizards. C'était un autre back-to-back, c'était la première affiche du back-to-back de Tu fin te de dis semaine. quand même, pourtant, leur 5 est pas trop mal, hein, Gafford, Avdija, Kuzma, Ouais. Poole, et puis le Ouais. petit Tyus Jones qui est un super meneur. Hein. Mais alors, la défense. La défense. On gagne sur la défense parce que en face. On a eu quand même un peu de mal à défendre sur les shoots extérieurs, même si Poole a pas été bon du tout. Mais derrière, en défense, ils ont été absents, quoi. À noter les bonnes minutes de Bilal Koulibaly, tu vois. J'étais curieux de le voir jouer parce que c'est pas quelqu'un que je vais voir souvent, parce que je regarde pas les Wizards. Eh ben écoute, Il y a un joueur dont on n'a pas parlé aussi il est et pas on a été mal. surpris de sa présence parce qu'on ne l'a pas évoqué, mais sur le match précédent, donc face aux Hawks, Quentin Grimes se blesse à la main, au poignet, et du coup, bah, un peu court-vêtu en termes de rotation, on se retrouve avec du Dante DiVincenzo dans le 5, je sais plus. Oui, sur ce match-là. Non, j'ai un doute. Je sais plus si Non, c'est sur non, celui-là. non, c'est Bref. Hart sur le match d'avant parce que Grimes est là et Grimes se blesse. Foulure, je crois, c'est une foulure Non, c'est au sur le match, poignet. c'est face aux Hawks qu'il se blesse, mais par contre, Oui. on a pu avoir les minutes, les premières minutes en saison régulière, oui, de Cocorico et Evan Fournier. Donc Ah là, ben il y c'était avait un cool en duel termes de franco-français là, contre les Wizards. Bilal et Evan. Donc on a pu avoir des minutes. On Bon, vous passera il va la ligne falloir de tout de stats suite. de Evan, hein, en 15 minutes, ça a été. C'est anecdotique en termes de Voilà. performance. Bon, ça fait plaisir pour lui de pouvoir avoir un peu l'occasion de se Ouais. dégourdir les Mais n'y jambes. voyez rien, je peux lire. Ah, les Knicks préparent son trade. Ah, peut-être quelque chose. Non, Non, rien du n'y tout. C'est voyez juste qu'il manquait deux joueurs, rien. quoi. Il Il manquait manquait des deux joueurs. joueurs importants, donc forcément la rotation elle s'ouvre. Et en fait, là tu comprends que dans l'esprit de Tom Thibodeau, il estime que Evan Fournier, c'est soit il a un vrai rôle dans l'équipe, c'est-à-dire un rôle dans la rotation ou un rôle dans le starting five, À ce qu'il a 10, eu 12, 15 jusqu'à présent. minutes, ouais, c'est Mais ça. en fait, j'ai l'impression que quand même, il se dit c'est pas un mec à C'est pas un joueur faire de entrer. garbage, quoi. À faire entrer 2 minutes dans le garbage time, machin. Donc, peut-être qu'en effet, je pense qu'il a du respect quand même pour Evan Fournier. Parce qu'on peut dire oui, mais non, quoi, tu parles de respect de quoi? Il a benché, ben ouais, mais après il prend une décision. Et il a eu raison. Parce que ben, les Knicks sont meilleurs sans lui, en fait. Mais je pense que quand même, il respecte l'homme, son professionnalisme. le fait qu'il s'entraîne toujours, qu'il C'est lâche pas un l'affaire. vétéran aussi. C'est un Et vétéran. c'est un vétéran qui a quand même, qui a estampillé NBA, tu vois, il a quand même fait des choses, des accomplissements. Mais pour, je pense que pour Tom Thibodeau, c'est soit en fait tu lui files un rôle à ce type-là, soit en fait tu lui enfiles pas. Et donc il préfère ne pas, entre guillemets, dire bah tiens, je te file 3 minutes, régale-toi, va jouer à la baballe. Donc, alors c'est peut-être complètement con ce que je dis, hein, peut-être qu'en fait c'est Non, mais utopie et effectivement, machin, ici mais en je le France, vois comme ça, les moi. journalistes, ici en France, les journalistes, des fois, s'interrogent, enfin, remarquent, signalent, oh, bon, bah encore, Evan Fournier n'a pas joué. Il y a eu 14 joueurs qui ont joué, mais pas Evan. Oui, mais parce que, comme tu le dis, Evan, c'est pas pour lui donner 30 secondes ou 2 minutes. Si on le fait jouer, c'est avoir un petit peu de temps. Il est aujourd'hui au bout du bout de la rotation. Il va avoir du temps de jeu s'il y a des blessés. Et accessoirement, on oublie aussi que Evan a demandé son trade, a demandé à partir de New York. Donc je pense que Ah Tom oui. Thibodeau, il se dit, bon, moi, je vais Ah, pas, il y a eu des entre guillemets, déclats. m'embarrasser avec un joueur dans la rotation, me servir de lui si dans 2-3 semaines il n'est plus là. Je préfère donner du temps de jeu à éventuellement Miles McBride, qui va Ah ben c'est apporter lui, certaines choses. c'est lui le premier mec qui le cinquième en fait, hein. C'est Ouais. McBride le cinquième, hein. Donc voilà, donc on a pu le voir, c'était content, c'était bien, c'était mignon pour lui. Il s'est dégourdi les jambes, il n'a pas fait une prestation exceptionnelle, mais bon voilà. Et pour le match d'après, bah, on l'a pas revu, Evan, parce que bah il avait problème de cheville. Bon, bah, Ouais, il a ça fait un tombe mal. bobo, c'est Voilà, clair. non, mais après ceci dit, c'est peut-être voilà, Après, on t'avais dit ça RJ qui avec revenait, humour, donc mais il y avait t'avais RJ RJ qui qui revenait, donc revenait, donc il l'un aurait pas dans joué quoi qu'il l'autre. arrive. Voilà. Et donc là, déplacement, dernier déplacement de la semaine en back-to-back En en back-to-back Caroline aussi. du Nord, non, Ouais. Caroline du Sud, je sais plus, bref, à Charlotte, chez les Charlotte Hornets. Bon, bah c'est pareil, on a un match qui a été relativement maîtrisé de la part des Knicks, hein, ils sont partis pleine balle et les Hornets ont essayé de rattraper. Il y a eu quelques petits moments où on s'est dit, oh, mais dis donc, attention avec la Attention, ouais. folie, la jeunesse des Il y Hornets, ça avait peut aller un. vite, mais. C'était un match. C'était un match. Enfin, la première mi-temps, même. Ah, le faux rythme bizarre de ce match. C'était. Enfin, je sais pas, ça jouait. Ça jouait chelou. Ça jouait pas vraiment en transition. Mais ça jouait pas vraiment en Beaucoup de pertes de balles aussi, hein. demi-terrain. Beaucoup Ça. de pertes de balles, beaucoup de maladresse côté Charlotte. Ah, c'était dé... enfin, la première. Le rythme était vraiment perturbant. Eux faisaient un vrai match de traînard. Ils prenaient un éclat de 10, 15. Ils revenaient à 7, 8, 6. Et puis ils C'est toujours reprenaient un difficile éclat. de garder une avance au score quand on a aussi une Bizarre. équipe en face qui joue assez vite, hein, tout simplement, avec un LaMelo Ball qui a quand même une belle vision de jeu. Brandon Miller, on en avait parlé la semaine d'avant il a pu jouer une partie du match à New York. Là, c'était la Beau récession, joueur, il a hein. joué tout le match. Beau Il montre une belle joueur. chose, hein. C'est pas Ah un ouais. numéro 2 draft pour rien, à voir Non. après la suite de sa carrière, mais il a montré de belles choses sur ce match-là, Un dans beau tueur, différents ouais, à l'aise registres. au shoot. Ouais, franchement, une belle. Bon, Mais pour lui, c'était après plus ce. compliqué de défendre sur Randle, par contre, mais on peut Voilà. comprendre. Mais après, voilà. Après, ce qu'on retient, c'est. Bah, c'est les 26 points de Jalen Brunson en première mi-temps. Très belle Oui, première il fait mi-temps. un très très gros début de match. Ouais, très bien première mi-temps, mais qui disparaît totalement en deuxième mi-temps. Je veux dire, et bah, deuxième Par mi-temps, contre, il y en a un, il marque 7 points. Pas... il y a Ah ouais. son poteau, son teammate Dante qui fait un excellent match. Ah 7 sur ben. 10 à 3 points. Pardon, 7 sur 10 à 3 points. On Il avait a besoin de vu. 3 points. On a recruté Dante. Bon bah Ah là sur le ben. coup. Il a, Il et a c'est là où vu il a le. son poste de starter. C'est sur ce Il match-là. a vu. Ouais, c'est ça. Il a vu le panier comme l'océan, quoi. Il jetait, ça rentrait. Et puis, c'est surtout qu'il est arrivé à nous sortir des gros shoots qui ont pété le momentum de Charlotte, surtout dans le Clairement. quatrième quart-temps, quoi. À un moment donné, il nous Clairement. rentre 2-3 points, là, bam, bam, ça les a tués, quoi. Et on a eu besoin de ces 3 points parce qu'on rentrait plus rien. Pendant un moment, on rentrait plus rien. Et il nous a sorti, voilà, le match qu'il a fallu, les tirs qu'il nous a fallu. On a eu un RJ, voilà, on a senti clairement que compliqué C'était la d'ailleurs, t'as reprise, vu, c'était le hein, retour, y quoi. a, voilà, il était très frustré avec son tir, ça rentrait plus, il était là, il était vraiment très, très mal à l'aise avec son shoot. On a eu un Mitchell, voilà, encore bien présent, Qui avec nous fait du 14 Mitch, quoi. rebonds, très bien. Glouton du rebond, quoi. Ouais, et puis voilà, et puis après, bah écoute, on a eu de bonnes minutes. Moi, j'ai bien aimé ce que petit McBride nous a montré, même si c'était une dizaine de minutes, mais c'était pas mal ce qu'il nous a montré. C'était voilà de la bagarre, son petit panier là, très sympathique là, avec le petit dribble entre les jambes, très Ouais, un petit sympathique. cross. Hein. Les Ouais. coéquipiers ont apprécié, ça a été Par souligné au contre, moment du voilà, match. après, je trouve qu'on a eu un quickly un peu Ah, sur courant Quickly a été alternatif, tu très vois. bon à Washington devant sa maman, un peu moins sur ce Ouais. match-là. Bon, Ouais. effectivement, c'est aussi du back-to-back, faut pas l'oublier, il y a l'enchaînement des matchs. On ne peut pas Voilà. avoir la réussite folle d'un match à l'autre. Là, Dante nous fait un excellent match. Est-ce que c'est lui qui va être le joueur de la semaine? On va le savoir très vite. En tout Mais c'est vrai cas, que Quentin Grimes. t'as raison de le souligner, ça. Quentin Grimes, en tout cas, il va falloir qu'il revienne assez vite parce que ça pousse derrière. Est-ce que Dante DiVincenzo pourrait lui ravir sa place de starter? On va voir. Hein. Il faut peut-être plus qu'un match pour avoir ce genre de changement. Puis aujourd'hui, pourquoi chambouler la dynamique de l'équipe? En tout cas, Oui. l'Enix s'impose en back-to-back, ses premiers back-to-back victorieux. Les adversaires sont un peu plus faciles. Hein. Wizards et Hornets, ce n'est pas aujourd'hui les cadors de la conférence Est. Mais c'était à prendre, ça fait plaisir, ça fait du bien au moral. 8-5, c'est le bilan à l'heure où on enregistre cette vidéo d'Enix, et c'est le meilleur bilan en début de saison régulière depuis la saison 2013-2014 ou Ouais, c'est la ça. 2012-2013, la C'est la ça saison que j'ai vu, ouais. du Knicks tape de Melo, JR, Kidd et compagnie. Donc ça présage de belles choses, mais la saison est longue. Non, mais en tout En cas, tout on a cas, gagné contre les équipes qu'on devait gagner. c'est Alors, ça, un c'est truc. ça. On a perdu, voilà, contre Boston qui était trop fort. Mais on a les équipes qu'on devait battre, on les a battues. Alors, peu importe la manière, mais on les a battues. Et ça, c'est intéressant. Parce que justement, ça montre quand même que ben, les Knicks ont un certain range, quoi. Un certain. On perd contre un peu plus fort que nous, mais les petites équipes, elles, on les bat. Et donc, bah, c'est ça qui va faire la différence aussi à la fin sur le classement général. Hein. C'est de ne pas laisser des victoires sur le côté, des victoires qui normalement n'auraient pas dû nous échapper, quoi. Donc. Voilà, il fallait prendre ce match contre les Hornets, c'est pris. Un bilan de 3-1 sur la Et semaine, ce qui est très pris bon n'est plus à bilan. prendre. Et une série de 3 victoires en cours, à voir si elle se poursuit. En tout cas, c'est des matchs à l'extérieur, donc ça aussi, c'est bon de pouvoir les prendre à l'extérieur. Et donc, ça va être l'heure de tout ce que, de tant attendu, du joueur de la semaine. Alors, pour rappel, on a déjà du RJ Barrett, on a eu du Jalen Ouais. Brunson, on a eu du Mitchell Ouais. Robinson. Qui est-ce que ça va Ouais. être cette semaine? Qui est-ce que ça va être? On a une belle perf Ah. de Quickley sur le match à Washington, on a une belle perf de Evan, Dante peut-être? DiVincenzo, Evan Fournier, Cocorico. Bah oui, parce qu'on Jericho voudrait voir Sims? Evan. eh ben non, cette semaine, on redonne le trophée de Knicks of the Week à Jalen Brunson. Alors, on avait encore du Julius Randle qui était dans les Ouais. nominés, hein, dans les mentions honorables. On avait Mitchell Robinson qui fait du Mitchell Robinson. RJ Barrett qui est trop en retour, c'est pas possible. Finalement, le joueur qui est clutch quand il faut aussi, c'est Jalen Brunson. Même si parfois il a des soucis d'adresse, il sait se mettre au service du collectif. Il a cette présence aussi en défense pour aller nous chercher quelques charges. Hein. On l'a vu sur 2-3 occasions dans plusieurs C'est matchs. celui qu'il provoque le plus de passages en force de la ligue. C'est le joueur qui en provoque le plus. Voilà, donc malgré que ce ne soit pas un défenseur élite, il a quand même cette sens du placement. Moi, il me fait penser à Kyle Lowry, hein, tout simplement. C'est l'école Villanova aussi. Et on a un gabarit, peut-être un peu moins joufflu du Tordu. fessier, un peu moins dodu, mais on a un gabarit qui est un Moins petit peu généreux. comparable. Moins généreux, ouais, c'est ça. On verra avec le temps. Hein. Doucement sur la nourriture, hein, la bonne nourriture new-yorkaise. Mais voilà, en tout cas, c'est la deuxième nomination, c'est le deuxième titre de Nick of the Week pour nous, pour Jalen Brunson en ce début de saison. Bon, si Julius continue à bien jouer, peut-être qu'il pourra en avoir un. Peut-être, peut-être. Oh, Ça et déplaira sûrement aux haters, mais tu vois des trucs. tenez-vous prêts. Il est bien dans ses Marquez-nous dans les baskets en ce moment. commentaires pour vous. Je serais quand même curieux, les personnes qui vont regarder cette vidéo, si vous avez voilà, 2-3 minutes à nous accorder dans l'espace commentaire. J'ai vu quand même pas mal de choses, notamment des sondages qui disaient est-ce que. Alors, pour moi, j'ai trouvé que la. Que le moment était un peu désastreux parce que ben, le joueur revient en forme hein, quand même. Mais est-ce que pour vous, on serait meilleur sans Julius Randle? Est-ce que pour vous. Alors, la question, Tu je l'ai vu passer. lances un débat comme ça, là. La question, je l'ai vu passer. Je vous la redonne telle quelle. C'est-à-dire que, bah, en fait, il n'y a pas de s'il est remplacé, par qui, par quoi. Après, vous me dites hein, des suggestions de joueurs, alors pas des trucs loufoques, tu vois. Pas, oui, on le trade ben là, contre LeBron, Contre contre Janice, Tatum, quoi. tu vois, contre Giannis. Non, mais est-ce qu'à l'heure actuelle, si demain, en fait, on enlève Julius Randle du 5, voilà. En plus, on n'a plus de backup, il faut le rappeler. Hein. On n'a plus de backup 4. Hein. Donc, on va chez Isaiah Roby de la G League. D'ailleurs, qui joue plutôt bien en G League, mais bon. Mais est-ce Oublions-le, que... c'était ton joueur à suivre et le joueur à suivre d'Alex de HBA. On va l'oublier, le Asaya Roby, hein, d'accord? Voilà, bon, il est en G League, il se régale, c'est sympa. Ouais. Mais est-ce que pour vous, on serait meilleur sans Julius Randle? Alors, moi, j'entends les critiques, en effet, sur Julius. C'est-à-dire un mec qui va des fois avoir une sélection de tir un peu surprenante, qui va des fois être un peu bougon, ou qui va faire les efforts de retour en défense. Et même, je trouve que sur l'intensité défensive, c'est pas le pire. C'est pas le pire parce que, en effet, Jalen Brunson, C'est sur sur la l'intensité constance, c'est sur la défensive, c'est pas le constance. pire non plus. Hein, il fait des contacts sur des passages en force, mais sinon, après, c'est pas dingo non plus en défense, hein, JB. Après, Un voilà, on lui manqueur, demande quoi. pas, ça, on lui demande surtout de rentrer des paniers, ce qu'il fait. Donc, voilà, moi, je trouve que Julius Randle, on peut lui tomber dessus à raison. L'année dernière, à notre fin de saison, sur les notes de la saison et en playoff, on a su dire Ah bah. à ce bonhomme les vérités, ces quatre Il y vérités, entre guillemets. avait une différence de Voilà. performance entre la Mais régulière et les là, on playoffs. voit clairement que quand Julius retrouve du niveau, on gagne. En ce début de saison, il n'en avait pas. On perdait parce qu'il nous fallait aussi un mec comme lui. Et là, maintenant, ben, il retrouve du niveau. Je trouve que dans son jeu sur les derniers matchs, sur les 6 derniers matchs environ, il est retourné proche du cercle. Je trouve qu'il va plus finir au cercle qu'au large. L'adversité l'a peut-être aidé aussi par rapport à ça, Alors, par rapport au match-up, mais oui, il prend j'ai pas moins de regardé. shoot à 3 points. On est Ben, j'ai plus pas sur regardé du 1 ses sur stats à 8 3 ou des points. choses comme ça, quoi. Ouais. Ouais, j'ai pas regardé ses stats à 3 points. Comment il est? Je peux te les dire là en direct. Ses Globalement, pendant stats que à tu cherches les trois chiffres, points. on trouve une Oui, meilleure il en prend sélection de moins. shoot sur les derniers temps. Ouais. Il en prend 2 de moins de shoot à 3 points. Tu vois, l'année dernière, il en prenait 8, cette année, il en prend 6. Tu vois? Mais c'est Donc. aussi, pour aller dans le sens de ces déclarations, un joueur aussi qui retrouve son rythme, sa confiance. Quand on est un petit peu tâtonnant sur ses capacités physiques, on va plutôt jouer au large, on va éviter les contacts. Là, je pense qu'il a retrouvé son niveau de forme et Ouais, il il n'a va plus jouer. peur d'aller au contact. Faut Alors pas oublier qu'il s'est après... fait opérer cet été. Hein. Il s'est fait opérer de Oui, sa oui, cheville oui, de... parce qu'il a quand même une grosse blessure. Alors oui, moi je veux bien qu'on me. En effet, on a peut-être été dur ou pas. À vous de me dire sur sa note en playoff. Mais il faut pas oublier qu'il arrive blessé. Faut pas oublier qu'il accélère sa phase de reprise pour pouvoir participer au playoff avec l'équipe. On peut dire voilà que Julius, c'est ce qui. Mais n'empêche Ouais. qu'il a mis quand même On sa aurait dû le mettre santé. joueur de la semaine. On aurait dû jouer à mettre joueur Non, de la mais si semaine. tu veux, ça a été. J'ai On trouvé parle plus que. de lui que de JB, mais Non, mais j'ai trouvé que ça m'a nécessité un petit encart. C'est-à-dire que ce type, il est énormément clivant. Quand on gagne, il n'a pas fait les efforts. Quand on perd, c'est de sa faute. Donc, bah, quand est-ce qu'il est bon, en fait? Quand est-ce que. Jamais. Bon, Ouais. d'accord. Bon, Ne bah, merci. pas oublier qu'il termine parfois, même peut-être assez régulièrement, meilleur passeur de l'équipe, des fois devant un Jalen Brunson. Ouais. Donc effectivement, ses passes sont risquées, ses tirs sont casse-croûte. C'est un joueur qui est souvent défendu par deux joueurs, donc voilà, il n'a pas de panier facile, il a rarement des paniers faciles, le Randle. Mais il arrive à trouver quand même ses coéquipiers. Alors des fois c'est au bout des 24, des fois c'est en bout de possession, mais il a aussi cette capacité à attirer la défense sur lui, parce Après, que je les sais défenses plus, adverses le c'est. savent. Quand tu mets la pression défensive sur Randle, il va se mettre à dribbler, tu as des Après, chances je sais qu'il plus, perde le ballon. c'est sur quel match il a su, en fin de match, s'effacer au profit de Jalen Brunson, au profit d'Emmanuel Quickley, qui eux étaient au chaud, qui eux rentraient des tirs. Et il a su, bah, à ce moment-là, bah, s'effacer et leur laisser le lead. Donc, c'est un mec, je pense pas que c'est un type. Oh, il met la mauvaise ambiance. J'ai pas l'impression. Je pense que c'est quand même quelqu'un de très fleur de peau. Très entier, entre guillemets, hein, ce qu'on pourrait dire. Hein, quelqu'un de entier, c'est-à-dire bah, qu'il va tout prendre pour lui, hein, entre guillemets. Il va. Mais, ah voilà. Donc, est-ce que certains lui font un procès de délit de sa gueule parce que, ben bah, voilà. depuis le début finalement, bah, Julius Randle, c'était pas le choix qu'on voulait, et puis il est là, et puis un peu comme le caillou dans la chaussure. Moi je trouve quand même qu'on est assez dur avec un mec qui a été double All-Star, double All-NBA Team, un mec qui a signé chez nous quand personne ne voulait venir, un mec qui est resté à un tarif alors qu'il aurait pu prétendre beaucoup plus. Voilà, alors on peut lui trouver tous les défauts de la terre, mais il faut aussi lui trouver des qualités. Il en a, le bonhomme, hein, il fait son job. Alors oui, on est dépendant de son tir, mais qui n'est pas dépendant du tir d'un de ses meilleurs joueurs? Je veux dire, l'argument est assez idiot. Évidemment qu'on va être dépendant de son tir. Évidemment que Boston Toi, est dépendant du tir de Tatum. t'as lu des choses sur X et ça t'a énervé. Ouais, ça m'a un peu Mais les gonflé Knicks parce gagnent. que. Les Knicks Mais voilà, les gagnent. Knicks gagnent, Donc, Julius est bon pourquoi sur ce changer une équipe qui match. gagne? Et Pourquoi d'ailleurs, changer une équipe qui gagne? son PER est bien remonté en flèche. Hein. Maintenant, il est presque au 15 par rapport à Ah, la tu dernière regardes ça. Tu émission. regardes ça comme l'eau sur le Ouais, feu, le lait sur le feu. ben c'est exactement, c'est un peu la température. Ça te dit aussi, ça t'informe de l'impact du joueur sur le match et de ce qu'il a pu faire. Alors peut-être qu'en effet, voilà, je suis peut-être trop un amoureux des stats. Mais voilà. Mais, en tout cas, moi, Julius, En qui tout continue cas, comme c'était ça, le il me régale. gros encart que tu voulais faire. Alors, on rappelle que le joueur de la semaine pour nous, c'est Jalen Brunson. Mais Julius n'était pas très loin, il aurait pu prétendre. Donc voilà, on va suivre ça. C'était Et la question, le débat que tu lances, est-ce que les la petite Knicks, chronique. aujourd'hui, qui ont un bilan de 8-5, est-ce qu'ils seraient meilleurs sans Julius Randle? Donc là, voilà, oui, non, pourquoi? Ouais. Et on se fera un plaisir de continuer De la discussion répondre, avec vous carrément, dans les carrément. commentaires. Allez! Maintenant, on va regarder ce qui se présente aux Knicks pour cette nouvelle semaine. Là, les 4 matchs, ils sont passés. Le 3-1, pour mon bon pronostic, c'est passé. On va se projeter sur une nouvelle semaine et de nouveaux pronostics. Allez, on regarde ça tout de suite. Eh bien, une semaine avec que 3 matchs. Voilà, ça va permettre de souffler un petit peu pour nos Bockers. Ils vont encore devoir faire un petit déplacement. Ça se Mais quels trois déroulera dans le matchs! Minnesota, à Minneapolis, au Minnesota, chez les Minnesota Timberwolves, qui se débrouillent plutôt pas mal en ce début de saison. Hein. Attention, attention. Hein. Même si Rudy Gobert a eu quelques bagarres avec un certain Monsieur Vert, Draymond le Vert. Voilà, en tout cas, ça se passe bien du côté des loups de la meute. Ensuite, on va revenir à la maison. Ouais, ça va faire de mal. 2 matchs, non pas du back-to-back, mais pas loin, non, non, pas du back-to-back. Dans la nuit de samedi à dimanche et dans la nuit de dimanche à lundi, ça se passera contre le Miami Heat. Tiens, tiens, un petit souvenir de play-off de la saison dernière. Ce sera le match de In-Season Tournament. Donc on aura droit à ce fameux parquet orange. Oui, préparez-vous. Préparez vos yeux, vos lunettes, vos écrans. Ça risque de piquer. On verra si Ça ça va va vous faire piquer bronzer un aussi. peu. Au niveau du match du rendu, passe au hit. Et pour finir donc la semaine, donc le match dans la nuit de dimanche à lundi, à minuit heure française, face aux Suns. Des Suns qui ont du mal à trouver un petit peu leur rythme de croisière en ce début de saison, qui ne retrouvent pas leur Big Three tant attendu, Bill, Booker et Kevin Durant. Je cherchais son dernier nom. Donc voilà, donc ça fait quand même une semaine. Là, on monte en intensité en termes Ah ben ouais. d'adversaires. Là, Ça va être pas simple tout ça de poursuivre la trois série de équipes. victoires. Là, on a quand même trois équipes bah, qui sont en course pour les playoffs. Comme tu as dit, hein, on a des Minnesota. Bon, ben bah, voilà, ils ont trois défaites hein, contre Phoenix, contre Atlanta et contre Toronto. Après, c'est que des wins, c'est des belles victoires. On a un Anthony Edwards qui marche sur l'eau hein, ce début de saison qui est magnifique. Hein. Je veux dire, le type il tourne en 26 points, 26 points quasiment 6 rebonds, 5 assists hein, pour un ballon et demi perdu, ce qui est beau. Donc, non, très très beau début de saison, compliqué, Il y a compliqué ce Charles-Antoine. match. Il y a Charles-Antoine Compliqué. aussi. Et il y a le Minou, exactement, Charles-Antoine, Karl qui a fait Anthony une belle Towns. saison. Ils ont la meilleure défense de NBA. Voilà, avec ben, ça y est, je pense que Rudy Gobert est bien intégré dans leur équipe. C'est quand même voilà, un mec qui tourne ben, en double-double, hein, en 11 points, 12 rebonds. C'est pas mal. C'est pas mal. Avec plus de 2 blocs par match. C'est pas mal. Et Voilà, donc là, le Rudy. match-up avec Mitch Robinson, ça va être sympa. Ah, la confrontation va être très sympa. Est-ce qu'on va gagner la bataille des rebonds offensifs face aux Wolves? C'est pas sûr sûr. Hein. Là, on va avoir des clients. Randle face à Kat aussi, ça va pas être évident. Ah, il va être bien cadenassé là. Les deux. C'est un match qui s'annonce compliqué quand même. Sur papier et puis avec la forme du moment des Wolves, ça va être compliqué quoi. Ouais, parce qu'ils sont dangereux de partout quoi. Ils sont dangereux de partout, ils sont dangereux en pénétration avec Edwards, mais également de loin. Ils ont un Mike Conley qui est bon à la main, des Jaden McDaniels, des Kyle Anderson, des Shaq Milton, des Nickel Alexander Walker, hein, tu te rappelles de lui au Canada. C'est des mecs qui sont pas maladroits avec le ballon et qui savent shooter de loin. Donc non, ce match va être assez complexe. Après, donc, comme tu as dit, on enchaîne avec le Miami Heat, début de saison compliqué, sur les 4 premiers matchs, ils étaient à 1-5. Et puis ensuite. Mais normal, ils attendaient Damian Lillard, il n'est pas venu. Bon, ça a enchaîné les victoires, 7 victoires consécutives. Hein. Et puis, ouais, ils ont mis du Los Angeles au tableau, de l'Atlanta. Bon, après, ils ont eu quand même des équipes qui ne marchaient pas trop fort, des Memphis, des Washington, Charlotte. Bon, et là, quand même, dernière défaite en date, là, dernier match. Tu perds contre Chicago, le patient malade, le mourant, quoi. Est-ce qu'ils vont rebondir? Est-ce qu'ils vont se ressaisir? Est-ce que c'était juste un accident de parcours? On verra. En tout cas, les Knicks vont retrouver leur domicile, voilà. Leur Madison Square Garden. Il faut bien dire aussi que lorsqu'on va les rencontrer, alors contrairement à Minnesota, qui, eux, seront notre premier prochain match, comme nous, on est le leur. Miami, eux, aura eu 2 matchs entre-temps. Ils vont rejouer Chicago et ils vont jouer Cleveland avant de nous affronter. Donc ça prend back-to-back ou c'est le match du Heat? Non. Non, je vois pas de... Ils jouent le 21, le 23, le 21, le 23, le 25. Donc, d'accord, non, le 23 et nous c'est le 24. Donc oui, ils seront... le 25. Ouais, 25 heures françaises. Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, c'est un adversaire direct... Pour la conférence Est, c'est un adversaire direct pour le In-Season Tournament. Là, ils sont en back-to-back après, ils jouent Brooklyn. Il serait bon ton aussi un petit peu en mode revenge par rapport à la série de playoffs qui a tourné à l'avantage du Heat de prendre cette victoire. On verra, c'est quand même un match test. Voilà. Et puis les Suns, c'est pas trop quoi s'attendre sur les Suns. Ils ont 2 matchs avant nous, donc quand même Chicago-Cleveland, et c'est pas Washington-Charlotte quoi, ou Détroit. Donc c'est quand même des équipes qui jouent, ça peut les fatiguer. À voir comment on va négocier cette match-up. T'avais et puis Phoenix, un petit mot comme sur les Suns, ouais. Voilà, et puis après Phoenix, comme tu dis, Phoenix, hein, pour le coup, ça aussi, c'est sur courant alternatif. Hein. Ça enchaîne des séries de défaites. D'un coup, donc ça va te faire 3 défaites, 2 victoires, 2 défaites, 3 victoires. Là, ils sont sur 3 victoires. Ils ont battu Minnesota et 2 fois Utah, dont la dernière fois en prolongation. Sans caisse du point. Mais après, voilà, pour l'instant, Bradley Beal, pas de retour prévu avant 2-3 semaines, est-ce que j'ai pu lire, je crois. Je sais pas ce qu'il en est de Booker. Est-ce que c'est prévu? Est-ce qu'il est revenu? Non, il est revenu. Est-ce... Il est revenu, mais il bon, est revenu. Effectivement. Est-ce que voilà? Donc évidemment après Booker, déjà Booker Durant, c'est sympa. C'est pas quoi, évident. Tout de suite. Puis Durant, il aime bien jouer les Knicks. Hein, il aime bien jouer les Knicks. Sacré Kevin. Ouais. C'est voilà. C'est vrai qu'au dernier match, ouais, en box score, on a un Booker, ouais, Booker qui revient à 26 points. Bon, à 8-21 au tir, mais qui revient fort. Donc, ouais, quelle équipe on va affronter? Est-ce qu'on va affronter celle qui perd contre Oklahoma City, contre Philadelphie, contre San Antonio 2 fois? Ou celle qui dérouille Minnesota et qui leur met 15 points, plus de 15 points à la vue? C'est l'incertitude. Mais eux bon, aussi, on sera leur dernier match. Et eux, ils vont jouer Portland et Golden State. Donc là, ils seront un back-to-back. Ils jouent Memphis et ils nous affrontent, nous, en dernier. Donc, grosse semaine pour eux aussi. Hein. Grosse semaine pour ces équipes. Grosse semaine pour les Knicks. 2 questions, toujours. La première, s'il y a un match que tu attends le plus, c'est lequel sur cette semaine? Miami. Ah, ok. Bah, écoute, pareil. Non seulement pour voir cette histoire de parquet, voir comment ça rend. Et puis, c'est le match, la confrontation directe. Les équipes de l'Ouest, certes, mais c'est celui que j'attends le plus. Il y a le petit côté, on se retrouve après la bataille du printemps. Ok, le hit. Il y a pas mal de choses que j'ai envie de voir sur ce match. Comme tu dis, déjà, les confrontations contre Miami, c'est jamais anodin. Non. Ils nous aiment pas. Là, on parle de rivalité. Ils nous aiment pas. Historique. Il y a une revanche à prendre parce que bon, ben voilà, on a perdu 4-2 contre eux. On les a quand même accrochés. Ça a été une série voilà, quand même intéressante. J'ai envie de voir aussi, tu vois, tu vas trouver ça un peu bizarre, mais leur rookie là, tu vois, je suis un peu curieux de voir là, Raime Jaquez Junior là, j'ai envie de voir ce qu'il donne. Visiblement, il est pas trop mal, donc j'ai envie de voir ce que ça donne. Et puis voilà, et puis on sortira de ce match contre les Wolves. Miami derrière, c'est pas évident pour se rassurer. Je sais que l'année dernière, ben, il y a eu des victoires, il y a eu des défaites contre eux. Il y a eu le panier justement de Julius au buzzer incroyable. Chez eux, Donc, chez eux. chez Ouais. eux, bon, Donc c'est le donc match de la semaine qu'on a envie Miami, de ouais. voir, même si Match les de la deux semaine. autres seront très bien. Et puis, en fait, on va les voir tous. Mais voilà, c'est pour nous le gros Oui, match de la quand il arrive. semaine, celui qu'on attend avec le plus d'impatience. Bon, allez, je vais me lancer. J'ai l'honneur, j'ai la ceinture de champion du prono, C'est ça, donc t'es sur la on va la streak. jouer comme ça. Quel pronostic donner sur cette semaine? Pas On a évident. vu un peu les forces en présence des deux côtés. Alors il peut y avoir, enfin des deux côtés, du côté de Knicks et des adversaires. Il peut y avoir des absences, toujours surprise. On a vu RJ qui est de retour la semaine dernière, on ne pensait pas qu'RJ allait être absent aussi longtemps. Donc ça aussi, ça peut aider à Bynes est assuré retrouver sur le retour aussi. une équipe plus forte tout simplement d'Enix. Est-ce que Quentin Grimes va revenir? Est-ce que Dante DiVincenzo va garder cette place de titulaire et avoir cette adresse folle? Bon, il va se passer pas mal de choses. Moi, mon bilan, allez, je vais le balancer tout de suite. Il va pas être positif cette semaine. Je vais voir une victoire et deux défaites. Allez, ouais, désolé. Je me trompe peut-être. Espérons que je ne sois pas le bon oracle cette semaine pour le bien de l'Onyx. Après, ça me paraîtrait avoir toujours un bilan positif en termes de rapport victoire-défaite. Et en termes de victoire, où est-ce que je la verrai? Je la verrai que face au Heat sur cette histoire de in-season. Là, bon, c'est pas pour comment dire, la différence de jeu qui se passe en in-season, mais je me dis face au Heat, c'est peut-être à notre portée que les Wolves ils sont en très bonne forme en ce moment et que les Suns, avec un KD qui est capable toujours de nous faire mal, voilà, je sais pas trop quoi m'attendre face aux Suns, mais je les vois venir nous faire la misère en fin de semaine. Alors peut-être que des matchs seront accrochés, mais il y a un talent qui fait que, je sais pas, les Suns, je me méfie. Donc voilà, moi mon bilan, c'est une victoire face au Heat et deux défaites. On va encore mettre un terme à notre série de trois victoires en se déplaçant dans le Minnesota. Et puis voilà, une seule des deux victoires à domicile en fin de semaine. C'est mon bilan, c'est mon prono, une victoire, deux défaites. J'espère me tromper. Seb, qu'est-ce que tu nous annonces? Eh bien, écoute, moi, La même chose. Voilà. c'est Allez, moi ciao! qui. Oh, ça serait la facilité, mais un peu de challenge, un peu de. Allez, On est joueurs. moi je vais te dire, allez, je vais me montrer cette fois-ci positif. Et je vais te 3-0. dire Wow. 1-2. Non, pas le 3-0. Enfin, quand même pas. 1-2? 1-2? Allez, ouais, c'est-à-dire qu'on perd le prochain, voilà. Je pense que Minnesota, là-bas, ça D'accord. va être un peu trop compliqué. Une équipe trop bien positionnée, trop sûre d'elle, qui va nous faire vraiment assez mal. Mais on gagne les deux matchs à la maison. Ah, donc un 2-1. Pas un 2, un Non, 2-1. oui, un 2, hein. Je l'ai dit Deux positif, victoires, je une l'ai. défaite. Moi, c'est l'inverse. D'accord, Ouais. ok. Moi, on perd le prochain match, mais on enchaîne avec le Heat et avec les Phoenix. Phoenix, en plus, qui sera un peu fatigué de sa semaine. Puis il commence à Ouais, faire un donc peu froid à New York. Donc eux, ils sont dans l'Arizona. Il fait chaud, ils n'ont pas l'habitude. Mais ouais. Et puis voilà, KD maladroit, tu vois, c'est. Puis voilà quoi. Hey, je demande que ça, comme ça après on aura les Hey yo KD, don't you regret? Hein, ça Mais pourrait être sympa, effectivement, non, ça c'est pourrait bon, être sympa. je pense que l'eau a coulé sous les ponts. Oh, Mais dis-toi qu'on aura le droit encore à quelques sorties de ce type dans les oui. médias ou sur les réseaux sociaux, mais. Mais voilà. Ok. 2-1, victoire, semaine positive pour les Knicks. Eh ben on verra tout ça lundi prochain, au même endroit, même heure, le rendez-vous sur KNF TV. D'ici là, vous pouvez aussi nous dire, en plus du débat ou de la question de la mort de la semaine, là, est-ce que les Knicks seront plus forts avec ou sans Julius Randle? Quel est votre bilan, votre pronostic sur cette semaine? Est-ce que vous êtes plutôt de mon côté malheureusement en négatif, plutôt du côté de Seb en positif? Est-ce que, encore mieux, vous voyez un 3-0 ou à La l'inverse raison un voudrait trop de dire 0-3? comme toi. Mais je ne sais pas si je suis la voix de la raison. Ça, on le Ah, tu verra. l'as montré sur les 2 dernières semaines. Peut-être eu de la chance. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, voilà. On a fait le tour pour cette semaine. On avait une grosse semaine la semaine dernière. On en a une très grosse. Il n'y a que trois matchs, mais elle est encore plus dense cette semaine-ci. Les Knicks, on va les suivre, les supporter. On verra si Elle est Julius poilue cette peut semaine. aller chercher. Elle est poilue. Oh, elle est touffue. Elle est touffue. Peut aller chercher ce joueur de la semaine par KNFTV. Est-ce que c'est JB qui va encore enchaîner? Est-ce qu'on va avoir un RJ qui revient comme il était parti avant ses histoires de migraine? On va savoir ça la semaine prochaine. Donc on vous donne De quoi on aura rendez-vous lundi besoin? prochain sur KNFTV. D'ici là, voisin du dessous, passe une bonne semaine. Bah ouais, écoute, hein. Portez-vous bien, supportez les Knicks, supportez KNFTV, supportez la Knicks Nation France, le pouce, la cloche, les commentaires, tout ça. On se donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode. Celui-ci, c'est quoi? C'est le 68. Donc le prochain, ça sera le 69. Ouh Ah, le là numéro préféré de Giannis, il a dit. Il a dit qu'il là. adorait ce numéro. Ouais. Giannis, il a Janice. dit, Antetokounmpo, tu verras, il a fait sur une conférence de presse après le match, il a dit, mais il reste combien de matchs? 69? Ah, j'adore le numéro 69, hein, j'adore ce numéro. Donc, Et ben ça, l'épisode préféré de Johnny, ça sera la semaine prochaine. Est-ce que ça sera un épisode à l'endroit, à l'envers? On verra tout ça. D'ici là, portez-vous bien. J'en perds mes mots. Passez une très bonne semaine. Et puis, bah, let's go Knicks. Allez, Bah oui. ciao, ciao! Bonne semaine à toutes et à tous. Ciao.